Pour l'instant, j'écoute les connards là qu'on a mis. Mais tu vois, t'es vulgaire encore. Et Gérard, non, je voudrais expliquer un petit truc à Gérard. Mm-hmm. C'est que tu comprends pas que t'es impoli avec nous. Non, mais attends. T'en as rien à foutre de nos gueules, mais nous on est poli avec toi, c'est normal qu'à la fin on soit un petit peu énervé. Toi, à la base, on se démerde le cul à appeler Julie et tout ça pour la soirée pour passer dans ton débat et toi tu nous chies dessus. Ouais, toi. Non, mais attendez. Ça les dérouve, hein. Non, mais attendez, vous êtes bien gentils, mais quand je vois que c'est toujours les mêmes, je commence à en avoir ras-le-bol. C'est la première fois que j'appelle. Ouais, c'est la première fois que j'appelle. C'est pareil, j'ai jamais appelé de ma vie. Moi j'ai déjà appelé une fois, c'est agréable, mais aujourd'hui, franchement, les mecs...